Passion Zouk. L'aimer est une erreur. Elle aime s'effacer, moi je meurs. Je lui ai tout donné, mon âme, mon cœur, mes clés. On a tout partagé. Elle était ma moitié. Elle était mon reflet, mon parfait composé. Mais elle s'est envolée, laissant mon corps à quai. Mais je m'obstine, m'assassiner. L'aimer est une erreur. Elle s'efface et moi je meurs. Comme une île sans soleil, un hiver éternel. Elle m'a pris l'essentiel en me laissant sans elle. Moi je reste fou d'elle qui a guidé mon ciel. Rien adoucit ma peine, ma vie est à la traîne. Et elle m'obstine, s'efface et moi je meurs, meurs, meurs, meurs. Mon cœur pleure. L'aimer est une erreur, non. Elle s'efface et moi je meurs. Je m'obstine, m'assassine. L'aimer est une erreur. Se sont fanés, mes rêves se sont brisés. Oh non, non, non, je m'obstine. L'aimer est une erreur. Elle s'efface et moi je meurs, meurs, meurs, meurs. Mon cœur pleure, l'aimer est une erreur, elle s'efface et moi je meurs.